confidence that shines through these songs and these voices. Thursday, May 9th. Tickets and more at The Hook, MPLS.com. You've been listening to Right On Radio. I'm Josh Weber. I'd like to thank our guests tonight and our listeners who helped make this program possible. Don't forget to tune in next week to hear more interviews where we'll have another great show lined up for you. Listen to KFAI Fresh Air Community Radio, 90.3 FM Minneapolis, and on the web at kfai.org. And stay tuned for Bonjour, Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM at Minneapolis and St. Paul, and streaming online at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, ça va être juste moi, autrement dit Frédéric, ou Fred, ou Freddy, comme vous voulez. Et puis, ce soir, on va célébrer la fête du travail. So tonight, it's only me, Freddy. and we're going to celebrate May Day in France. It's also Labor Day. So, and in lots of part of the world too, they use May Day as Labor Day. So we're going to listen to songs about work or lack of it, or not wanting to work, or strikes, or things like that. So it's going to be a little bit politically oriented, but not too much. I mean, it's kind of like common stuff. And we're going to talk about the event and some of the news of the week. All right, so we're going to get going with a set of three songs. The first one has nothing to do with the work or May Day, but it's a song of a friend that I wanted to play for a while, and we had different theme and different guests, so I kind of like needed an opportunity to play it. And the song is from Stazan, and it's called Je n'en sais rien, from an album qui s'appelle Le Sud. And after that, we're going to listen to Julien Clerc, Travailler c'est trop dur, Working is too hard. And then, un grand classique, de Henri Salvador, a big classical one from Henri Salvador, that's Le travail, c'est la santé. Working is being healthy, and doing nothing is to preserve it. So it's kind of like a little bit of a paradox. But all right, on y va, et c'est parti, mon kiki. La question est souvent posée, d'où tu viens? La réponse n'est pas simple, elle reste en vain. La vie m'a entraîné, même à raison la romaine. Si tu viens du nord, prends la sortie de Berlin. C'est le pays du vin. Déjà les Romains savaient comment y vivre bien. Dégustation et petits plats, tout ce que j'aime. Je pourrais même rester à la fin du chemin. Je n'en sais rien. La vie est parfois drôle, en tout cas la mienne.

courageux. Les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore une fois, pour ce feignant là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore une fois. Le travail, c'est la santé. Rien Et voilà, voilà, voilà. Donc, on a entendu trois chansons. We heard three songs. Even the beginning of another one. So, the first song we listened to was Stazan from an album called Le Sud. And the song was Je n'en sais rien. I have no idea. And after that, we listened to Julien Clerc, Le travail, c'est trop dur. And the last song was Henri Salvador avec Le travail, c'est la santé. Meaning work is health, but doing nothing it's to keep it. So, and the people crazy about work don't last very long. So we're going to keep going tonight with some of these songs about work, and because we are celebrating May Day and Labor Day. That's the case in France and other countries, even though Labor Day in the US is in September. We're going to listen to Les Parisiennes avec Il fait trop beau pour travailler. It's too nice out to work. Then we're going to listen to Pink Martini avec Sympathique. And then we're going to listen to a band called Gypsy avec une chanson qui s'appelle Prolétaire. Et voilà, on y va. Chambre à la forme

Hey, it's me, CRZ, here once again to remind you about the KFAI.org web-exclusive program, The Dollar Bin. You can stream it anytime you like, from the KFAI.org website or using the KFAI Community Radio app. Artists you may have heard of, but songs you may not have, and nothing, absolutely nothing, costing more than a dollar. Head over to KFAI.org/dollar-bin or hit up the app. I'll meet you over there. Are you using the KFAI mobile app? If not, you're missing out on the easiest way to bring fresh air with you wherever you go. Stream live and archive programs and podcasts directly from your smartphone, tablet, or other mobile device. Our most recent app updates includes a link to your KFAI member card, which offers you special discounts at participating member businesses all over the Twin Cities. Find the KFAI mobile app on Google Play and the App Store. Et voilà, vous écoutez toujours Bonjour Minnesota on KFI Radio, 8 to 10 p.m. Central, every Tuesday. We're always there. I am. Some of them are not, but, you know, everybody has a life. And so tonight it's a special May Day or Labor Day program because May 1st was last week. And so I decided to make a selection of songs about work or the lack of it or not working or that sort of thing. So that's what we're listening to. The last song we listened to in order was The Gypsies from The Gypsies or Les Gypsies. And the name of the song was Prolétaire. And I thought it was sounding very, you know, early 70s, late 60s. And indeed, it was from 1968. Very like a psychedelic sound. And then before that, it was Pink Martini avec Sympathique. And then before that, it was Les Parisiennes avec Il fait trop beau pour travailler. It's too nice out to work, which was kind of like today and yesterday. I mean, I don't know about you guys, but in Minnesota, it was pretty nice out. So it was pretty cool. We're going to listen to more songs. You just heard that the KFAI app is widely available, so feel free to get it from whatever store you're using based on your phone or device. But you can also go to kfai.org and find either the schedule or the program. And if you find Bonjour Minnesota, you can always listen to the two previous shows. So right now you have 2 weeks worth, and tonight's show is going to replace the one from 2 weeks ago. So, but I also archive them. So if you have any question, feel free to shoot me or us question. BonjourMinnesota@gmail.com. And we're not always free on Tuesday night. Sometimes there are other events. So if you want to listen to it later or listen to it again because you like it so much, it's always an option. You can also reach us on Facebook. We have a Bonjour Minnesota on KFAI radio page, which is Bonjour Minnesota. And you can send us messages there. All right. Well, let's do more music. The upcoming song is from Les Charlots. And Les Charlots did some songs. They were like stand-up and comics, but they did also a lot of acting, like on funny movies. So their songs were kind of also funny and sarcastic. So this one is Merci Patron, Thank You Boss. But it was really said in a sarcastic tone. Then after that, we're going to listen to Alexandre Châtelard, sorry. It's too small for me. I need new glasses. And the name of the song is Le Bureau, or The Office. And then we're going to listen to a song called La Fête du Travail, or, you know, Labor Day, by Gilles Couragil. Coucoural. Twice I'm messing up the people's name. And we're going to listen to this series. And if you don't really remember, want to know, you can always ask us by email. The playlist is also on the website once you find the playlist. And it's also on Twitter, KFAI playlist. And you can see what's being played right away. All right, on y va avec Les Charlots. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur. Ah oui, d'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, yeah. Merci patron.

personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvait. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait, à chercher du travail. Qui maintenant m'attend, et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend, et m'attend, et m'attend. Enchaîner tous nos bourreaux, analyser, mais le top assuré.

And L'Inconsolable avec On vaut mieux que ça, We're worth better. And On lâche rien is like we don't give anything away. So now the song that we were I was supposed to play but didn't have time is MAP, Ministère des Affaires Populaires, avec Salutations Révolutionnaires. After that, we're going to listen to Nancy. Faut pas être contre le travail. You shouldn't be against work. Et Noir Désir avec Gagnant Perdant. But before we start the music, I'm going to talk briefly as I can, because I know it's not the most exciting part, about the events coming during the week. I mean, that could be exciting. It depends on what event you want to attend. All the events I'm talking about are pretty much listed on our Facebook page, Bonjour Minnesota. So if you go in the events, you can find them. And some are organized by different people, some by the Alliance Française. So on May 8th, on Wednesday, so it's tomorrow, between 7 and 8 p.m., there's a book club at the Alliance Française, Les Navigateurs de la Littérature, called La Tresse. Et c'est de Laetitia Colombani. So it's at the Alliance Française new location. And they're going to transition more and more to this new location at 227 Colfax Avenue in Minneapolis. Then on Thursday, just so you guys know, there's Internation Minneapolis Happy Hour, and it's at Pat Stapp, starting at 8 o'clock. And Pat Stapp is a 3510 Nicolette Avenue in Minneapolis. And it's typically a social group for expats to kind of find other people from different countries. Then the Aperitif en Français is also tomorrow. It's on the 9th. It's at 6 p.m. And it's at the University Club of St. Paul at 420 Summit Avenue in St. Paul. And it's between 6 and 7:30. And just, you know, a French conversation group, very casual. You grab a drink and make friends. On Saturday, May 11th, the grand opening open house celebration is for the French Academy. So they moved location, and on Saturday between 9 and 12 p.m., they're going to celebrate the grand opening, and Romain's daughter, Chloé, is going to be the one who's going to cut the ribbon. So that's very cool. She was at that school for a very long time, so she's no longer because she outgrew it, but she was still there. The address is 12301 Whitewater Drive, Suite 190 in Minnetonka, Minnesota. Then, Les Jeunes, so it's the teenage group, game night at the Alliance Française. It's Saturday between 5 and 6:30, and it's at the old location. It's 113 First Street, North Minneapolis. And it's, you know, it's the teen club, Les Jeunes. They will meet this May on for an evening of games and fun at the Alliance Française. Oh, they said new location. So, no, that should be on Colfax then, if it's the new location. I'll point that to them. If you want to RSVP, you can RSVP to AnneSophie at afmsp.org. What's next? On Monday, the New Riverside Ramblers at Eagles Monday Night Dance. Ta-da! It starts at 7:30 up to 10:30. And... yeah, it's the karaoke at Minneapolis Eagle 34th. It's 2507 East 25th Street in Minneapolis. And I believe there's often a cover charge, but it's often pretty low. So best local Cajun and Zydeco musicians. So they are pretty awesome. I went to see them several times. And then I want to talk about it a little bit in advance because it's coming up. There's the gala from the Alliance Française called Mais Oui. And it's there's Mais Oui, Mais Oui, and there's a play on word like Mais Oui. The first one is spelled May, like the month of May, M-A-Y, and Oui, like W-E, and the second Mais Oui is May, like but, like M-A-I-S, and Oui, like the word yes, and in French, and it's La Vie de Château. So Wednesday, May 15th, 2019, between 6 and 10 p.m. And it's going to be at the Minnecata Club, 3205 Excelsior Boulevard in Minneapolis, Minnesota. You can take ticket or RSVP directly on their website, afmsp.org. I think that's it for now. So let's go back to the music. And because I already announced them, I just have to play them. I think that's a good idea. On y va. Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, flip pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça échauffe en rêvant de maille. Mec, c'est la zerbe et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote, si j'ai tort, tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe. Alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de peupon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. À Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un doua qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allah Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre ou mourir de faim au Bangladesh, être trop fidèle dans les Caraïbes, enfin des rues de Bagdad ou de Marrakech. Salazar, Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar, caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre, avec Massoud à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans, ouvrier coréen en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran, passer ma vie dans les apartheid de Cisjordanie ou de Johannesburg, peut-être Trima, Fibé Belwed et Amani et dans ses faubourgs. Quand faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Unis et solidaires derrière la même bannière. Quand faut y aller, faut y aller. Hey yo, lève le poing, refuse ce bon en arrière. Quand faut y aller, faut y aller. Ne pas baisser les bras, baisser les bras face à toute cette misère. Trop d'étrangers disent qu'on peut pas se mélanger. On peut pas laisser passer assez. À la guerre comme à la guerre se lancer. À la source ces discours insensés. Rassembler rien pourra nous stopper. Quand faut y aller, faut y aller. J'aimerais tellement pouvoir me taire, n'avoir rien à dire sur cette terre. Que les hommes entre soi pissent, qu'ils s'aiment et s'entraident comme des frères. De New York à Bagdad, de Damas à Jérusalem. Que la terre mère nourricière mange à sa faim, sorte enfin de cet enfer. J'aimerais tellement pouvoir rester seul, caché. Vivre d'amour, de date et d'eau fraîche. Mais ce que je vois, ce que je sais, en moi je peux pas le garder, me taire. Si tu savais combien des fois au fond de moi j'aimerais révolter. Je passerais des journées à pleurer en regardant à la télé ce gosse paru mutilé. À quoi ça me servirait si je me taisais juste après, disant que de toute façon rien ni personne ne pourra rien y changer. Compte bien que jamais je changerai, je garderai toujours en moi la force, l'envie, la rage, la volonté. Tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette terre, compte pas sur moi pour me taire. Sur ce, salutations révolutionnaires. Il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Unis et solidaires derrière la même bannière. Rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires.

diable est passé. Nous, on garde un œil éveillé. Oh, la peur, oh, le vide. Oh, la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille. Toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse. Sinon, on tourne la vis. Nous, on n'a rien à gagner. Mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici, avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti. Tout est faux, oh mon ami, oh mon frère, tu sonnais perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux des papiers. Dis tu l'as vu mon palais. Oh, t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants. Le paradis, il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation. Il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez. Vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé. Pourtant, c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est foutu. Ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal. Dieu n'est pas dans la bataille. Oh, messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Des gagnants ni des perdants. Spring is here, and that means new content. Many of your favorite KFAI programs and web shows are now available through your favorite podcasting platforms, with new shows and episodes being added every day. Go to kfai.org, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, or anywhere you get your podcasts and discover a new world of sound from Fresh Air Community Radio. Et voilà, you're still listening on to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And this is Freddie. And as you heard, KFAI is adding a lot of podcasts or web-exclusive show, which is more geared toward music. And I think it's a very good thing for you guys, because you don't have to be just... You can, of course, listening to everything that's on air. And all the shows are being recorded, so you can listen to them at a different time or at your convenient time. But there's also a lot of web-exclusive show that are just fantastic. One from Liverpool, that's the Transatlantic Mixed, and that's a great one. So we just listened to, the last song we listened to was Noir Désir, avec Gagnant Perdant, winner and losers. We don't want to be winners, but we don't want to be losers either. Nancy avec Faut pas être contre le travail. You shouldn't be against work. You need to find one that fits. And the one before was MAP, Ministère des Affaires Populaires. And it was Salutations Révolutionnaires. And I believe it's a collective, and I'm not super familiar with it, but I could recognize the voice of some of the singers from Zebda, which was another collective by the end of the late 90s, who was very, very popular. All right, so still more songs about work and travail and things like that. So the upcoming song is from Princesse Erika, and the name of the song is Faut que je travaille, I need to work. And then we're going to listen to Repos d'Alhomme avec Sang Noir. Repos d'Alhomme is the name of the band, and Sang Noir is Black Blood, the name of the song. And then Rock Français Engagé is the name of the band, French rock engaged or politically engaged. And the name of the song is Le Travail, or The Work. All right, on y va, c'est parti, mon kiki. santé. Travaille bien à l'école pour gagner ta vie plus tard. Ramène-nous des bonnes notes pour nous donner l'espoir qu'un jour aussi à ton tour tu deviennes un gros connard. Et voilà, so you're listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, and the last song you were listening to was Rock Français Engagé avec Le Travail, and it was, yeah, it was rocking quite a bit, and before that it was Repos d'Alhomme avec Sang Noir or Black Blood, and prior from that it was Princesse Erika avec Faut que je travaille, I need to work. All right, tonight is a special Labor Day, so... because it's May 1st in France, so I decided to, hey, I'm going to do a show about it. And why not? So tonight I'm by myself. We have another, 35 minutes of music. We're going to listen to more songs. So it's this set is a little bit more muscular. I don't know if we can say that in English. I mean, it's kind of, yeah, there's more rock to it than, you know, the usual pop that we listen to. So we'll come back to pop, and there's some softer stuff too. But now we're going to listen to Les Sales Majestés avec Sois Pauvre et Tais-toi. So Sales Majestés are the dirty majesties, and be poor and shut up. Stup Flip, which is a band, Abat la Hiérarchie. They are against the hierarchy, and especially bosses and in corporations, or like work in general. And Trust, another band from the late 80s. Bosser 8 heures, it means working 8 hours, and they are not really happy about it because it's still kind of punk rock. All right, on y va. Sois pauvre et tais-toi, toi la petite caissière, et n'aie à ton salaire, en pauvre chez Leclerc. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail, pendant que Nicolas fait son footing au bois. Tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi le petit cheminot. Tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER,

terre. Son salaire, c'est le salaire de la sueur. Ils sont de bonnes imiteurs. Son salaire, c'est le salaire de la peur. Ouvre tes yeux autour de toi. Le syndicat se moque de toi. Programming is supported by the Cedar Culture Center, presenting Terry Reed on Friday, May 24th. Cherished rock and soul singer and guitarist Terry Reed returns to the Cedar with a solo performance. Often known as a legend who turned down offers to front Led Zeppelin and Deep Purple, Reed is widely considered as one of the greats of British music. Friday, May 24th. Tickets and more at thecedar.org. Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. It was a little bit more rocky, and we're going to calm down the pace a little bit with the upcoming songs. But we did listen to Trust, Boss Eviter, working 8 hours. Before that, it was Stupflip, à bas la hiérarchie, against the hierarchy. And before that, it was Les Sales Majestés, or the Dirty Majesties, with Sois Pauvre et Tais-toi, Be Poor and Shut Up. Now we're going to listen to Trio avec Travailler Plus, Working More. And TTC Ninja avec Travailler, it's a remix. And then Les Varsoviennes avec Le Prolétariat Mondial Organise. All right, on y va. On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas

Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. I'm Krista Wax from MSP Sound. Join me for my music showcase at Moon Palace Books, Thursday, May 9th. Check out performances by Perfume, Little Lizard, Tacky Annie, and Getting By. Melody Sounds and Pizza, MSP at Moon Palace. See you there. En rang serré, l'ennemi nous attaque. Autour de notre drapeau, groupons-nous. Que nous importe la mort menaçante. Pour notre cause, soyons prêts à souffrir. Mais le genre humain courbé sous la honte ne doit avoir qu'un seul étendard. Un seul mot d'ordre, travail et justice. Fraternité de tous les ouvriers. Aux frères, aux armes. Et voilà, je suis revenu. So, I just came back to say goodbye, pretty much, because there's very little time left. At 10 o'clock, we're going to have a Balkan Jamboree and with Nikolai, and he has some guests tonight. So stay tuned. It's going to be in 5 minutes. We just listened to La Varsovienne avec Prolétariat Mondial Organise. TTC was before that avec Travailler, and before that it was Trio avec Travailler Plus, Work More. I think we're going to have time for maybe like a couple of songs. So Les Villas avec Des Missions pour Claire, et Pierre Solange, Musette Ensemble avec La Marche des Travailleurs. Donc, on y va, et à la semaine prochaine, we will be there. Bye bye. Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Salaire de... conseil de masturbation. Mon meilleur souvenir. Démission. Vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça va vous faire brûler.